catalogue. Suivez-nous sur Facebook. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation pour deux heures de bon rock progressif. Et c'est le choix musical, comme je le disais, de Bruno. On va avoir plein de belles surprises, comme d'habitude, des pièces rares aussi, dont... Ce nouvel album là, ça s'est complètement disjoncté comme Tripping with Dr. Faustus. Voilà. Faustus. Et ben la pochette est je pense que c'est Michel qui en parlait là, c'est une des pochettes les plus horribles peut-être qu'on y voit une fille avec les cheveux longs avec des espèces de c'est pas des lunettes là mais on dirait que c'est ça. La pochette est jaune puis c'est l'album Do Ya Dig Me Hey. Alors si vous voulez voir en fait exactement comment ça s'écrit tout ça, allez faire un tour sur notre site www.terraincognita.québec dans la section radio et ben vous allez voir ça. Donc on aura de cet album là la pièce Cosmos. On aura également Nemrud, ça c'est la Turquie et c'est de l'album Nemrud la pièce Gods of the Mountain. Mais pour débuter, Eden Song qui ont donné un excellent concert au Centre d'art La Chapelle et il y avait moyen de se procurer ce nouvel album Years in the Garden of Years. Michel en avait fait jouer déjà deux extraits là, en primeur il y a quelques semaines. On y va donc avec la pièce Yawn of a Blink de Eden Song pour débuter l'émission. Ce sera suivi de Trippin' with Dr. Faustus et Nemrud. It's been amazing to play for you. Thank you so much again. It always feels like home here. We'll be right back. snipers and take flight as the cold city fades from view. The dim city lights, the mere mirages, we fly onward to the new. We'll be right back. rising. Right to be a sign, light shining through the first man who proclaimed the rise of divine plan. Red sun burning on the face of the earth, and preparing the new God's birth. Creatures are coming through the bloody feast, and speak the voice of the high priest. There's a fire burning. Oh là là là. C-K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. À découvrir sur la fabrique culturelle. Laisse parler ton cœur, donc laisse parler tes créations, puis ce que tu fais, soit ta musique. L'origine du projet d'Arlène avec Hubert Lenoir et Noémie D. Leclerc. Si on a réussi à faire ce projet-là, puis à exister, puis à être heureux, puis à s'aimer, puis à. Bon, je pense que ça part d'une liberté qui est complète. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Et de retour, voilà, avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Ce qu'on avait entendu juste avant la pause, c'était le groupe Nimrud, groupe de la Turquie, et leur plus récent album Nimrud, et la pièce Gods of the Mountain. On avait eu juste avant Amplifier, le plus récent Amplifier, je pense que c'est leur quatrième en carrière. Tripping with Dr. Faustus, le titre de l'album, la pièce Cosmos. Et on avait débuté avec Eden Song, et c'est un album live à Terra Incognita. Parlant de Terra Incognita, c'est le festival qui s'en vient dans 3 semaines. Le vendredi soir, il va y avoir Laura Mead avec 2 musiciens de Eden Song, et également Time for Pink Floyd, un hommage à Pink Floyd, avec plusieurs musiciens du groupe montréalais Amadriad. Ça, c'est le vendredi soir. Ensuite, le samedi, le 19 mai, au Centre d'art La Chapelle, il y a les groupes de Trois-Rivières Circus qui vont présenter leur premier grand concert. Amadriad, de Montréal, ensuite, qui viennent nous présenter des pièces de tous leurs albums et de Black Hole, leur plus récent. Et également Wobbler, de la Norvège. On aura une pièce en fin d'émission de Wobbler. Et ensuite, le 20 mai, on débute avec 2 groupes italiens, Cellar Noise. Ça, c'est un jeune groupe. Hein. C'est leur premier album, A Light, paru l'an dernier, qui est très bon. On écoutera une pièce aussi en fin d'émission. Également, Aerostation avec Alex Carpani. Et on a bien hâte d'entendre ça, un nouveau projet. Et de la Suède, Moon Safari. Et en tout cas, ça, c'était à ne pas manquer. Là, on va y aller en musique avec le groupe américain Dream the Electric Sleep, tiré de l'album Lost and Gone Forever. On aura également le groupe britannique Frost et peut-être du Alloy? OK, parce que... Ou peut-être du Cultivator, mais on a eu un petit ennui avec un disque, alors on va voir après, mais Dream the Electric Sleep d'abord et Frost. Just replace the Thank you. Vous écoutez CKRL 89.1. Une dose de bonne musique, des sujets passionnés et un soupçon d'envie de communiquer. Eureka! Un nouveau projet d'émission pour la saison estivale de CKRL. Vous souhaitez vous aussi faire vos premières expériences radio? Voici la marche à suivre. Rendez-vous dans la section Proposer une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 7 mai. Premier arrivé, premier servi. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Et de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terrain Incognita. Et vous en, ça brassait pas mal, hein, le dernier bloc. C'est un choix musical de Bruno, je le rappelle. On avait terminé ça avec la formation du Royaume-Uni Frost, et tiré de l'album Million Town. Et c'était la pièce, Black Light Machine, voilà. Juste avant, il y avait eu un groupe de la Suède, Cultivator, et ça, c'était réalisé, enregistré en 1981, paru en 81, et ça avait marqué là, beaucoup de musiciens là, de la scène prog de la Suède, évidemment, moderne. Comme on se disait, moi puis Bruno, là, ça nous fait vraiment penser à du rock progressif québécois, style Slush ou Pollen ou du rock français comme Atoll, par exemple, à cause des voix ou Magma, en partie. Donc, c'était les pièces Grotek, Varnen et Varfol. Vous excuserez mon suédois. Et juste avant, on avait débuté avec la formation américaine Dream the Electric Sleep, DTES, tiré de Lost and Gone Forever. On va poursuivre maintenant avec un groupe allemand, Argos, tiré de leur troisième album Cruel Symmetry, la pièce Open Book. Et on aura la formation italienne La Coscienza di Zeno en spectacle, de leur album qui vient de paraître il n'y a pas longtemps, un spectacle enregistré en 2016. On y va tout de suite donc avec Argos. We'll be right back. what I feel. If only you could see me for what I am. If only you could tell me what you feel. Da buttare scaldato le lenzuola di sangue. Ora per bene le dovrai lavare. Voglio sentire l'odore di candeggina attorno a te. Comprendo non voglia vedere sua madre, però avrà pure un parente, un amico che la possa aiutare a non lasciarsi andare. Guardi diretta ad un vecchio dottore. A lei, signorina, conviene mangiare invece che farsi nutrire dalle infermiere. In ospedale, dalle crudeli signore degli aghi, in ospedale. L'assente lei ci deve spiegare, non posso aiutarla se lei non lo vuole. Verranno con grandi siringhe per farla parlare. L'imputata si alzi in presenza di sua madre. Accusata di aver lordato negro calamo. È condannata a pulirlo con asse e olio di gomito. Sapore del ferro quando è tuo amante. Se un giorno la raggiungerai, allora certo capirai che anche le stelle son di carne e sangue. In questa notte che splende anche di giorno, tu caro amico aspetti il suo ritorno, ma non provare gelosia se lei ha scelto quella via. La sua aura di energia c'è ancora. Per quanto ti conoscesse appena un poco, come pensa la vita un gioco, tanti ritorni inaspettati. Magari per uno cronico futuro avrai stretto forte le tue mani fragili. Per questo ora mi chiedo cosa ci porti a un gesto strano. Quanto ritengo necessario che l'uomo lotti contro la sua natura. Mi serve ma se soccomberà la sua permanenza resterà per gli altri. Ricordo la tua traslucida figura come un febile guarire del buio dentro te, ma anche lo sforzo immane del cambiare di una bellezza androgina. Per questo ora mi chiedo quale parte di te abbia acceso la miccia e di voi tutte che ha appeso il giro del cambio a cui lei si è saprà mai se hai urlato oppure riso bestemmiato. Credo che sia solamente stato un caldo abbraccio ruvido dopo un lungo e spaventoso viaggio interno in quei buchi dell'anima dove bolle il nostro inferno terribile. Calarsi nesso di diafratti, dove soltanto i saggi matti cercano riposo eterno. Negli occhi tuoi, nel cielo, un aquilone senza filo volteggia nelle spirali del ricordo. Si perde oltre le cime della mente, disegnalo pieno sprofondi nell'oblio e così sia. Quell'inferno resta un buono che non sa stare così. era brillante se voleva, quanti uomini stendeva la mala lingua di sé ballassi. Ma per me lei non c'ha tutti i venerdì. We'll be right back. pensieri ripetitivi, si identifica in quelli cattivi, li alimenta finché troppo grandi, loro si prendono gioco di lei. Hey! Protetta in una stanza dove solo chi ti accoglie può entrare. Chissà se oltre quelle sbarre ci sarà verde oppure c'è il mare. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Laisse parler ton cœur, donc laisse parler tes créations, puis ce que tu fais, ta musique. L'origine du projet Darlene avec Hubert Lenoir et Noémie D. Leclerc. Si on a réussi à faire ce projet-là, puis à exister, puis à être heureux, puis à s'aimer, puis à... Bon, je pense que ça part d'une liberté qui est complète. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Et de retour pour la dernière demi-heure de Terra Incognita. Ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était une longue pièce de la Coscienza di Zeno, tirée de leur nouvel album en spectacle Dal Vivo, le 28 février 2016. Et c'était la pièce Giovanni Figlia. Et on avait débuté le bloc avec le groupe Argos, tiré de leur troisième album Cross Symmetry, un groupe de l'Allemagne. On va y aller maintenant avec un groupe de la Finlande. Ça, c'est une découverte qu'on a fait avec le magazine Progressiste. Et c'est le groupe Chiron, IRSE. Et c'est tiré de leur troisième album Runation, paru en 2017, la pièce Staric. On aura également le groupe Wobbler qu'on pourra voir là, ici à Québec le 19 mai prochain dans le cadre du Festival Terra Incognita au Centre d'art de la Chapelle. On aura la pièce Fermented Hours de leur plus récent album From Silence to Somewhere. Et on terminera avec Cellar Noise qu'on pourra voir le lendemain, le 20 mai, à Terra Incognita de leur premier album Alight, la pièce Dive With Me. On y va tout de suite en musique avec les Finlandais Chiron Irsay. We'll be right back. face is stuck all over the place. The old theater where opera shows were held. A black shadow that walks remembering, lost in thought, because here there are memories you'll never remove. Since he went away, nothing has changed. It's strange, but it remained the same. Much time has passed. A whirlwind of emotions into the old guardian's heart. But this night is the last, although it seemed immortal. Who decided soon you'd be cancelled? And as on the public silence waltz, unspoken complicity. But this night is the last, although it's in the mortal. Who decided? Thank you.